J'ai tourné dans le secteur comme un fou. Dans ma tête c'est le zoo, mêlez-vous un peu debout. On a vu tu suski, mon cousin t'es suspect. Ils m'en veulent la justice, mais calcule pas, je suis suspect. A skip toi t'as tout fait, combien de snacks t'as bouffé? A skip toi t'as souffert, t'es un voyou, pas t'es un couffin. Calibre sur le coussin, ça vise pas le bassin. Fausse plaque à gouler, ça chasse devant le casin. Y'a les giros, c'est des bâtards, on s'arrête pas. Ça fait les tiros, ça se croit immortel, inarrêtable. Il a voulu doubler, c'était improbable. Tu l'as avancé des sous, il est introuvable. Ça fait papa, papa, le bruit de la rafleuse qu'il y a dans ton allée. J'vois plus trop papa, papa, que j'écris, ouais, j'vis en décalé. On est, on vit, on meurt, on n'emportera rien, je comprends pas. Ouais, moi je t'ai tout donné de bon cœur, fais pas le traître, ne me déçois pas. Et je cours, rien à police qui fait des tours. Je suis là où y'avait l'ancien four, et j'en ai la tête qui tourne. Ouais, ils se froissent les billes, je suis accroupi. Monde de bâtards, la commère nous a tous crié. Le petit a pillave, il veut des billages. Au secteur qui y a des gains, ça va finir au kyriade. Frère, faut pas t'en faire, dis pardon si t'es en tort. Tu le regretteras ta vie entière, t'auras pas ta laisse au cimetière. J'me vois pas briller, j'fais mon disque d'or, j'fais mon blanc platine. J'vais pas te mentir, ma clé USB vaut plus cher que ta Bugatti. Anti-traite, gentil bâtard, j'fais ma petite fête, tu au car. Ils se la pètent, dis-y de ma part, qui se rappelle qu'il était au départ. On vise des trucs de fou, tu vois où j'traîne, mais je fais des sous. Contre le duel, il est où? Il a fait la chave au fou. Même si t'as qu'un billet rouge, partage, non, fais pas le crasseux. Un 3-5, c'est la zone rouge. Ça escroque et ça casse. La miss m'a fait un sourire, elle m'a mis mal, tellement elle est tassée. Tu vas la voir une fois, il te demande tout sur elle, tu es passé. Plus d'amour, moi, je vis comme toujours. Des fois, mon cerveau bug, alors je rappe pour le mettre à jour. J'grille un feu rouge, 2 secondes après, j'ai vu les ninjas. Heureusement, ils m'ont pas vu, j'étais bruncha. Ça boit une bonne gadi. Y'a plus de ratello. Ça te sort des fêtes, tout ça pour amener à tello. Mes potes me disent, là y'a Wellou. J'aimerais juste aller à Salou. J'aimerais retrouver les salopes qui parlent sur moi derrière que ça l'ouvre. Parle par devant, t'es mon ennemi. Parle par derrière, ben t'es mon fan. Tu es plein de mon frère, j'aimerais savoir d'où t'as eu mon fun. Faut pas se mélanger, faut que j'évite le danger. T'es là, tu m'as rongé. Que tu m'arrondes de ce que j'ai. J'ai la faute de Tanger. J'ai fini tête penchée. Turbo enclenché, j'ai collé au plancher. Ils rôdent des poutins, on trahit pas pour un billet pourpre. Ils rôdent des poutins, on s'accroche au quartier comme des poulpes. Tu fais que criser, petit frère déscolarisé. Jeune alcoolisé, ils pensent qu'à traumatiser. Familiarisé, pourquoi j'ai assez de poteaux? S'il te plaît, je viens de me lever, reviens après pour prendre la photo. Va calmer ta copine, elle parle mal, on va la tarter. Après, c'est les cousins qu'on va voir débarquer. Boulevard Sakakini, en bikini, elle se fait en kikiné. Skipper, y'a le mat pas loin, manque toi, tu te fais piétiner. Zone passe en casque, comme un char.